Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'obusite, l'ancêtre des troubles de stress post-traumatique dans l'armée. Je ne pouvais plus vivre dans un contexte dans lequel j'étais devenu suicidaire. J'ai décidé qu'il fallait que j'aille chercher de l'aide. Et j'ai suivi de l'aide psychologique pendant 10 mois. Et si j'aurais pas fait ça, je pense pas que je serais en vie aujourd'hui. Le général Roméo Dallaire ne s'est jamais complètement remis de son expérience du Rwanda. Il a courageusement accepté de parler ouvertement du choc post-traumatique qu'il a vécu à la suite du génocide au Rwanda à plusieurs reprises, comme dans cette entrevue accordée au Montréal ce soir en 1998. Les troubles de stress post-traumatique dans l'armée sont maintenant bien connus. Ce qu'on sait moins, c'est que les premiers cas relevés remontent à la Première Guerre mondiale et qu'on les appelait à l'époque les cas d'obusite. Quand on l'a retrouvé errant 3 mois après la fin des combats, Antonin Verset était incapable de dire qui il était, incapable de soutenir le moindre regard. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il fait? Comme tous les hommes que je soigne dans cet hôpital, il a connu une échappée dans le chaos du monde. Comment les arracher au passé? Tu vas monter, tu vas les battre! Chartreux! Tu connais le règlement! Souvenir de l'enfer. Enfer du souvenir. Toutes les guerres ont une fin. La violence deviendra illégale. Que ferons-nous alors de nos consciences? Combien de temps faut-il pour construire un homme? Combien de temps faut-il pour le détruire? La bande-annonce du film « Les fragments d'Antonin » réalisé par Gabriel Lebeaumin en 2005. Le film raconte l'histoire d'Antonin Verset, victime de troubles de stress post-traumatique à la suite de la Première Guerre mondiale. Le personnage d'Antonin sort de la Grande Guerre enfermé dans un complet mutisme. Pour nous parler de l'apparition des troubles de stress post-traumatique durant la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelait à l'époque l'obusite, mon invité Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal et collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous teniez, Carl Bouchard, vous êtes comme ça, vous. C'est la deuxième ou troisième émission où je vous lance de cette manière-là. Vous teniez à faire cette émission sur l'obusite. C'est une bonne idée, mais pourquoi? Ben, premièrement, parce qu'on peut toujours parler de la Première Guerre mondiale. C'est en soi un sujet d'intérêt. Mais aussi parce que l'extrême violence de la Première Guerre mondiale a tellement eu de conséquences dans nos sociétés que on peut aller la chercher à différents niveaux. Donc, parler de la violence de la Première Guerre mondiale, c'est déjà parler du stress. Ça nous dit des choses sur la science médicale aussi de l'époque, sur les médecins qui s'intéressent à ces cas. Ça nous dit quelque chose aussi sur la guerre et sur la virilité, sur la masculinité, sur ce rapport très inquiétant ou l'anxiété pendant la guerre sur ce que c'est qu'être un homme et ce que c'est que de vouloir faire la guerre. Ces premiers cas, donc, de choc post-traumatique, on va les appeler, ceux qui sont liés à la Première Guerre mondiale, on va en parler comme de cas d'obusite. Vous préférez, vous, parler de névrose de guerre. Pourquoi d'abord, on parle d'obusite d'abord, et pourquoi vous préférez parler de névrose de guerre? On parle d'obusite à l'époque, en français. En anglais, on va utiliser le terme shell shock, et c'est maintenant le terme qui est le plus connu pour parler du choc post-traumatique. C'est parce qu'au départ, on croyait que c'était un problème physiologique, que c'était lié à la proximité des explosions, d'où le shell shock, c'est une explosion d'un obus. Et je préfère parler de névrose de guerre parce qu'on est bien davantage dans un cas de maladie mentale et donc de cas psychologique et non pas physiologique. Et c'est donc avec la Première Guerre mondiale qu'on va commencer à parler de ces cas-là. Pourtant, la guerre existe depuis toujours, mais il faut le dire et il faut le rappeler, le contexte de la Grande Guerre est très particulier. 1 700 000 morts, plus de 4 millions de blessés. L'enfer des tranchées, le sifflement des obus, la peur au ventre. On a oublié aujourd'hui l'horreur de cette guerre. Et parmi les survivants, il y a tous ceux, mutilés, gazés, traumatisés, qui jamais ne reprendront une vie normale. Dans leurs secousses et leurs transes maladives, on ne peut s'empêcher de voir aussi d'une façon hallucinatoire toutes les secousses et les transes des années qui commencent. Ces années qui auraient été celles de leur jeunesse et que la guerre leur a volées. Eux qui ne peuvent plus marcher sans trembler, ou tenir debout sans tomber comme des fusillés perpétuels. Extrait du documentaire « Paris année folle » réalisé par Fabien Beuziat en 2013. C'est vrai que la guerre, elle existe depuis toujours, Carl Bouchard. Qu'est-ce qui explique que les premiers cas qu'on perçoit, en tout cas, de choc post-traumatique, ces fameux cas d'obusite, comme on les appelait à l'époque, qu'est-ce qui explique qu'on les voit d'abord avec la Première Guerre mondiale? Oui, en fait, c'est pendant la Première Guerre mondiale qu'on prend conscience du phénomène. Comme vous l'avez souligné, la guerre existe depuis longtemps. Les cas de choc sont présents. On sait que la guerre peut rendre fou. Et les cas les plus récents, que ce soit pendant la guerre de sécession américaine, la guerre russo-japonaise au début du 20e siècle, on a des cas. On commence à avoir des rapports sur l'état psychologique des combattants. Mais pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'ampleur qui frappe sur tous les soldats. On a là des armées de millions d'hommes qui sont mobilisés à travers l'Europe et à travers le monde. Ce sont pour la grande majorité des civils, donc des hommes qui ne sont pas préparés à la guerre. Ouais. Ils ont peut-être une préparation, disons, physique mineure, limitée, mais une préparation psychologique complètement absente. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'on doit se défendre contre un envahisseur. Donc la préparation psychologique est très limitée. Et d'autre part, ce sont des gens qui arrivent avec l'impression que la guerre sera courte. Et la guerre est complètement le contraire, en fait, de ce qu'ils imaginent. C'est une guerre beaucoup plus longue. Les armes modernes sont un choc pour les combattants. On a des obus de calibre, de très, très gros calibre, qui vont littéralement faire disparaître les soldats lors des explosions. On a les gaz, on a les lance-flammes qui apparaissent pendant la Première Guerre mondiale. On a ce qu'on appelle les obus à shrapnel. Ce sont des obus avec des billes d'acier qui explosent au moment qui se disperse au moment d'explosion. Et ça donne aux soldats donc une image de la guerre, d'une violence qu'on n'a pas imaginée. Qui est nouvelle, parce qu'on n'avait jamais vu un contexte comme celui-là. Ils sont dans des tranchées, il faut le rappeler, prisonniers, au fond, dans cette attente, dans cette peur au ventre d'être frappés par ces armes très destructives qu'on ne connaissait pas jusque-là. Des armes destructives et des armes aussi qui rendent totalement inefficace le courage. On a beau être un homme musclé, courageux, téméraire même, c'est la mort de masse qui frappe. Donc c'est le hasard qui détermine si on est vivant ou mort après une attaque. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc l'intelligence, la bravoure, la force ne comptent plus dans ce type de guerre. Les fameux cas d'obusite ou de névrose de guerre, ils apparaissent très très vite après le début de cette guerre de 14-18. Comment ça se manifeste chez ceux qui sont touchés? Ouais. Mais ce qu'on remarque dans un premier temps, c'est qu'on a des soldats qui ont des courbatures, qui à un moment donné sont paralysés, qui ont des troubles de langage, qui ne réagissent plus à la discipline, qui ont des maux de tête, qui ne dorment plus, qui ont des hallucinations. Alors, on a différents symptômes et il faut être capable de mettre ça en forme. Et c'est ça la grande difficulté aussi, de comprendre pourquoi ces gens-là se mettent à agir de façon irrationnelle, alors qu'auparavant, c'était des soldats disciplinés qui suivaient les ordres et qui faisaient ce qu'on leur demandait de faire. Ouais. Donc, c'est, dans le fond, le refus de l'obéissance. Et c'est là qu'ça commence à inquiéter. Ils ne peuvent plus, de fait. Ils sont littéralement, dans certains cas, paralysés. Là. Oui, ce certains vont dire l'expression, c'est une mutinerie de l'intérieur. C'est le corps qui, à un moment donné, refuse de jouer le jeu, de combattre pendant la guerre. Et donc, c'est ces cas-là qu'on commence à répertorier. Certains ont une maladie temporaire, donc des symptômes temporaires. Après quelques semaines, ça disparaît. On les éloigne du front et puis quelques semaines après, ils reviennent au combat. D'autres, ce sont des cas beaucoup plus graves. Et là, on a l'aphasie complète, des gens qui cessent de parler, des gens qui vont être littéralement bloqués alors qu'il est complètement paralysé sans qu'il y ait aucune blessure physique. Oui. Comment réagit l'armée quand elle voit ces cas d'obusite ou de névrose de guerre, quand elle voit ces soldats arriver nombreux là? Exactement. L'armée est extrêmement inquiète parce que c'est un mal qu'on ne comprend pas. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Elle est inquiète parce que comme c'est un mal non compris, eh bien, on a peur qu'il se propage. Qu'arriverait-il si, dans une armée de 5 millions d'hommes, il y en avait 1 million qui cessaient de combattre? Donc, c'est la défaite à ce moment-là. Voilà. Exactement. Donc, il faut absolument essayer de contrôler cet événement et surtout éviter que le trouble se propage. Et donc, le simple fait d'en parler, c'est déjà une menace pour les autorités militaires. Donc, dans un premier temps, on va le nier. Et on dit, non, ça n'existe pas. Il y a un très beau bout de film, on est dans le film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, où on a un général français, le général Miro, qui fait une visite de tranchée et puis qui croise un soldat traumatisé. Et il le gifle en disant que ça n'existe pas, le shell shock, c'est une invention. Donc, évidemment, les autorités militaires ont comme premier réflexe de nier le problème. Sauf que ils sont nombreux et de plus en plus nombreux et vraiment ça va très très vite là. Les cas se multiplient à une vitesse folle, ce qui fait que il y a de quoi s'inquiéter. L'armée est obligée finalement d'essayer de réfléchir, d'essayer de comprendre comment d'abord se développe ce trouble. Qui sont aussi, on fait du dépistage, qui sont les soldats qui sont les plus susceptibles de développer une névrose de guerre. Il y a une figure qui va être importante, celle du Britannique Lord Moran. Il va être clé dans cet exercice de compréhension, il va chercher à comprendre à quoi on a affaire. De quelle manière il va être important, Carl Bouchard? Ce qui est intéressant avec Lord Moran, c'est qu'il va développer un peu une théorie de la névrose de guerre. Voilà. Comment on peut comprendre ce phénomène, comment on peut le prévenir, comment on peut le traiter. Et sa théorie reste encore aujourd'hui valable dans une certaine mesure. Ce que nous dit Lord Moran, c'est que les soldats arrivent, il y a une analogie qu'on peut faire assez simple, ils arrivent au front avec une réserve de courage, une réserve de bravoure. Et cette réserve-là, elle peut être alimentée. Elle est alimentée par des sanctions positives, alors oui. Les décorations, les promotions. Elle est encouragée par la solidarité entre les combattants, par des éléments très simples comme la nourriture, les permissions. Mais cette réserve, peu à peu, elle diminue. Et à un moment donné, on arrive à une réserve nulle. Et c'est à ce moment-là, selon Moran, que les hommes peuvent claquer. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent flancher. Et tout le défi, c'est de savoir à quel moment ils vont flancher. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres de flancher? Et puis, lorsqu'ils flanchent, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Comment on peut traiter ces cas? Et qu'est-ce que ça va donner concrètement, donc? Ça va donner une réflexion, notamment sur le traitement. Alors, est-ce qu'on doit les laisser près du front, par exemple? Certains vont dire oui, parce que comme ça, on peut les ramener plus rapidement au front. D'autres vont dire non, il faut les éloigner du front pour qu'ils cessent d'entendre ce bruit incessant. Vous savez, pendant la bataille de la Somme, par exemple, les soldats allemands vont recevoir 24 heures sur 24, pendant 7 jours, des obus sur la tête. Alors, le son, en soi, est une cause de maladie mentale. Alors, on va les éloigner du front. Les cas les plus graves vont partir en asile psychiatrique. Alors, il faut essayer de les traiter et voir comment on peut les rééduquer. L'objectif de l'armée, il ne faut pas l'oublier, c'est de renvoyer ces hommes sur le front. Et donc, comment on fait pour s'assurer que ces gens vont revenir? Bon, Lord Moran, donc, va faire un petit bout de chemin dans ses travaux de recherche autour de l'obusite. Les Américains aussi, avant même d'être en guerre, d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais c'est intéressant. Oui. Les Américains aussi vont s'intéresser à ce phénomène de névrose de guerre. On écoute le psychiatre Bartholdt Behrens parler de la méthode de traitement que va développer le psychiatre américain Thomas W. Salmon pour traiter justement les cas d'obusite durant la Première Guerre mondiale, extrait d'une émission produite par le Comité international de la Croix-Rouge en 2009. Salmon est un médecin psychiatre américain envoyé par les États-Unis avant qu'ils entrent en guerre sur le front français et anglais pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils prenaient en charge les soldats blessés. Et c'est là que Salmon observe et écrit son fameux rapport avec les cinq principes. Et les cinq principes de Salmon sont l'immédiateté, il faut prendre en charge les soldats tout de suite, la proximité sur place, la simplicité, sans outils de thérapeute, sans médicaments, qui à l'époque n'existaient d'ailleurs pas, sans rien du tout, simplement expectative et ou espérance. Ça, c'était de la bonne idée de Salmon, c'est qu'il fallait transmettre l'espoir aux soldats que c'était qu'une crise qui allait s'arranger. Et puis le dernier, c'est la centralité, c'est-à-dire qu'il faut organiser une des secours dans un hôpital psychiatrique, mais que ce sont les soignants qui se déplacent vers les blessés. Quelle importance auront, Carl Bouchard, les travaux de Salmon dans le traitement de l'obusite? Oui, ils sont très intéressants parce que son rapport est très intéressant aussi. Comme vous le disiez, il s'intéresse au cas avant même que l'armée américaine arrive sur le front parce qu'on commence à prendre conscience justement de cette importance, l'importance de ce phénomène. Ses travaux sont importants parce qu'il s'intéresse au traitement. Et son principe, c'est la rééducation. Donc, on doit redonner aux soldats traumatisés, aux soldats névrosés, le goût de revivre et de reparticiper, en fait, à l'effort de guerre. Donc, on doit le rééduquer. Et à travers ça, il y a des traitements qui sont plus physiologiques. Alors, il va parler de l'hydrothérapie, par exemple. Donc, leur donner des bains froids, les piscines. Il y a de l'électrothérapie aussi, donc des chocs électriques, par exemple, pour essayer de régler les problèmes de paralysie. Des chocs électriques qui sont souvent encouragés par les autorités, parce que pour les autorités militaires, c'est une façon aussi de différencier entre ceux qui font semblant d'être névrosés et les vrais névrosés. Quand on donne des chocs électriques, ça a un effet majeur. Alors, ça va affecter simplement les névrosés. On va surtout pour Salmon, parler du travail. On doit faire travailler les soldats. Et là, il y a des passages dans son rapport qui sont absolument fascinants sur la séquence de travail. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces hommes qui arrivent et qu'on va prendre en main? Eh bien, il dit, ben, premièrement, au début, on les fait travailler sur des choses simples. On va leur faire de la vannerie, par exemple. Travailler sur des paniers, les faire construire des paniers. Puis peu à peu, eh bien, on pourra les amener à faire du jardinage. Et puis, à un moment donné, travailler avec les animaux. Et puis, par la suite, faire du travail agricole. Et puis, de la menuiserie. Et puis, de plus en plus, en fait, ce que fait Salmon, c'est d'amener les hommes à redevenir des hommes. Et dans son rapport, il le dit très bien, il s'agit de restaurer la masculinité, redonner aux hommes le goût d'être un homme et donc la volonté de combattre. Et peu à peu, en fait, ce qu'on fait, et les historiens comme Jay Winter ont bien montré cette séquence, c'est qu'on part d'un travail très féminin, comme celui de la vannerie, l'occupation, des occupations très simples, vers des travaux de plus en plus masculins qui vont mener justement au retour au front. En même temps, Salmon est très conscient des chiffres très faibles. Quand il regarde ce qui se passe dans les hôpitaux britanniques, il s'aperçoit qu'il y a seulement 20 % des soldats qui retournent sur le front. En fait, 60 % des soldats sont irrécupérables. On va les ramener à la vie civile et une partie d'entre eux vont aussi rester en asile. Ça, c'est ce que propose Salmon, puis on voit bien qu'il y va un peu à tâtons. Et puis, il y a plusieurs armées qui sont aux prises avec ces cas d'obusite en sachant pas trop quoi faire. On va citer à du tout et du n'importe quoi là, dans la façon de traiter ces soldats. Oui, absolument. Est-ce qu'on doit justement appliquer des électrochocs? Est-ce qu'on doit y aller de façon douce? Est-ce qu'on doit, au contraire, leur faire un traitement extrêmement difficile qui va les rechoquer de nouveau et qui va les ramener à la réalité? C'est devant cette série d'inconnus. Entrer dans le cerveau des hommes un peu aussi. Exactement. L'hypnose. Salmon va beaucoup aussi mettre de l'avant l'hypnose parce que on essaie d'aller chercher différentes approches parce que ça reste encore une inconnue. Et puis des techniques qui sont parfois proches de la torture, hein, très, très physiques. Le bras droit ne réagit plus. On va essayer de compenser avec le bras gauche. On va dire des mots doux aux soldats en le frappant. C'est du délire. Oui, exactement. À un moment donné, Salmon dit effectivement, on doit utiliser le ridicule par moment, donc des paroles extrêmement dures envers les soldats. C'est des tests, en fait. On teste. Oui. Et puis, ça montre aussi, dans une certaine mesure, à quel point les cas peuvent être très divers. Les hommes vont réagir différemment à ces événements-là. Ça marche pas, évidemment. Vous donniez des chiffres là, qui parlent d'eux-mêmes. Les traitements sont pas efficaces. Non seulement ils sont pas efficaces, vous l'avez un petit peu effleuré, mais l'armée est très sceptique. On craint les tricheurs. On craint les tricheurs, on craint, je l'ai dit tout à l'heure, la contagion, et on a surtout peur que les soldats fassent semblant d'être malades. Alors, on part du principe que les soldats, et surtout dans les armées de la Première Guerre mondiale, ce sont pour l'essentiel des armées de mobiliser des gens. Par exemple, dans l'Empire britannique, il y a la conscription à partir de 1916 en Grande-Bretagne. On le sait au Québec et au Canada à partir de 1918. Alors, ce sont des hommes qui ne veulent pas forcément partir à la guerre. Certains vont peut-être faire semblant d'être névrosés. Donc, tout le défi, c'est de savoir qui est vraiment névrosé. Ouais. Alors, on peut, comme le font les autorités militaires, nier le problème en considérant qu'il n'y a pas de névrose et ceux qui font semblant, on les fusille. Ou bien, il y en aura, seront fusillés. Il y a des gens qui seront fusillés, on ne reconnaîtra pas leur maladie. Ou bien, on peut considérer qu'il y a effectivement un problème, mais à ce moment-là, il faut distinguer le vrai du faux. Ouais. Et les autorités militaires vont dire aux médecins, par exemple, il faut que le traitement soit plus dur que la vie sur le front. Et comme ça va décourager les gens qui font semblant. Ouais. Et comment on peut être capable de déterminer la vraie névrose, c'est vraiment un défi du médecin. Vous parliez des travaux de Salmon, du fait qu'il faut retrouver l'homme, la masculinité, que ça fait partie du traitement. Ça va aussi, c'est un élément qui est intéressant, qui va faire partie de la problématique au moment de la Première Guerre mondiale, quand on parle de ces cas d'obusite, mais qui reste tout aussi vrai aujourd'hui. Cette espèce d'association qu'on va faire entre les victimes d'obusite et leur supposé manque de virilité. Ça, c'est encore présent. Aujourd'hui même. C'est toujours présent. Il y a un fond qui reste encore aujourd'hui, même si aujourd'hui on le sait très bien que toute personne, homme, femme, exposée à une violence extrême pendant un certain laps de temps aura des séquelles psychologiques. On le sait. Et c'est tout à fait documenté. On a vraiment penché, on s'est vraiment penché sur le sujet à partir de la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre du Vietnam et les guerres plus récentes. Il y a vraiment des travaux psychologiques importants. Par contre, on garde au fond de nous, cette idée que la guerre, c'est un test de la masculinité. Ouais. C'est le test suprême de la masculinité. Et que les vrais hommes ne flanchent pas. Ouais. Et on l'a encore entendu récemment, l'actuel président américain, au mois d'octobre, devant des vétérans américains, a dit que les vrais hommes, eux, ne flanchaient pas. et que devant une telle violence, il y en a qui réussissaient, puis les plus faibles, il le dit implicitement, les plus faibles, eux, vont flancher. Ouais. Alors, ça, 100 ans plus tard, on a toujours cette idée qu'il y en a qui vont tenir, il y en a qui ne tiendront pas, et c'est, ce n'est pas pour, en rapport à la violence, c'est en rapport à leur propre personnalité. Mm-hmm. Et Lord Morin le montrait aussi, il le disait dans ses textes à l'époque, les hommes plus efféminés sont plus susceptibles d'être touchés par la névrose de guerre. Ouais. Alors, c'est un phénomène à l'époque et ça reste encore aujourd'hui très présent. On a parlé dans cette émission du trouble de stress post-traumatique d'individus, de soldats. On commence de plus en plus, Carl Bouchard, à parler aussi du choc post-traumatique de population, un choc post-traumatique collectif. Et pour cause, écoutez cet extrait, je vous préviens, c'est dur. Vous allez entendre des choses qui sont choquantes, en fait. Un extrait du sergent Michel Sartori, qui a servi en Bosnie. Témoignage, donc, diffusé au Montréal ce soir, en décembre 1994. Mais ça va nourrir notre réflexion sur le possible choc post-traumatique collectif. Il y a une madame qui était juste avant de se déployer, qu'on m'avait compté, puis je ne croyais pas ça. Il y a une madame qui était enceinte, puis les belligérants l'ont violée, ils ont ouvert son ventre, puis ils ont pris le bébé, puis ils l'ont mis dans la bouche. Je ne croyais pas ça, mais lorsque j'ai arrivé sur le terrain, c'était la moindre des choses, dans le sens qu'on a vu des enfants, des maisons, crucifiés avec un clou de 6 pouces dans la tête. De là, tu as travaillé du crâne. Pour montrer, la guerre là-bas est très psychologique. Ils mutilent les personnes, puis ils laissent vivants ou ils laissent morts. Ce qu'on vient d'entendre, Carl Bouchard, évidemment, ça a de quoi ébranler un soldat, ouais. mais une population tout entière, il le dit, le sergent Sartori, il dit, c'est de guerre psychologique dont on parle. Qu'est-ce qu'on sait de cette notion relativement nouvelle de choc post-traumatique collectif? Ouais. En fait, ce sont des hypothèses qu'on soulève, mais quel peut être l'effet sur l'ensemble d'une société d'une violence extrême pendant très longtemps? Certains historiens ont parlé, par exemple, de la brutalisation des sociétés après la Première Guerre mondiale, que cette habitude de violence et cette réaction à la violence, c'est que, de façon générale, les sociétés sont devenues plus brutales. Alors, on a beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est un sujet qui reste assez polémique, mais certains vont parler, dans le cas de l'Allemagne, par exemple, après la Première Guerre mondiale, d'une société traumatisée. Ouais. Et une société traumatisée qui, donc, vit en temps de paix dans une période d'instabilité parce que la psychologie collective est affectée par la violence, par la défaite, par l'après-guerre. Alors, on étudie ces phénomènes, ça reste extrêmement délicat, vous l'avez souligné aussi, c'est très difficile de faire des analyses qui peuvent tenir sur la collectivité, mais de plus en plus, on s'intéresse à ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe quand une société entière est touchée par un phénomène aussi violent que la guerre et avec des atrocités comme on peut en connaître dans toutes les guerres, en fait? Carl Bouchard, c'était fascinant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. C'est Jacques Beauchamp. Je vous dis à la prochaine.